J'suis dans la ville à 130. Les autorités on s'en branle. T'inquiète, les hagars ça va qui s'en prendre. J'ai capté le vice. Si t'es gentil, on te bouffe. On prend ça pour de la faiblesse, on ne fait pas le pisse. J'ai ton adresse et même ceux de ta mifa. J'ai 2-3 poids dans la police, ouais, j'ai 2-3 merlifa. Que Dieu nous donne la santé, parce que le reste est futile. J'fais pas confiance à des mecs qui peuvent pas se payer un fustier. J'rappe pour les tirailleurs et les indigènes. Ce qui combat le Covid à lui le dénigel. Pour la pute, moi je vais la manger chez Michel. Toi t'es le roi des fils de pute, mais sur Insta j'ai mis j'aime. Ils aiment tous l'argent, mais ils savent pas en faire. Même s'ils étaient millionnaires, ils niqueraient tout en faisant la fête. J'prends mon cachet 20 sur 20, j'fais des showcases en survêtent. Ne croyez pas que j'suis tout seul, oui mon équipe me surveille. On est chargé, Glock dans la caisse comme dans GoFast. Plein phare, vroom, dans ma team y'a 2-3 gros phares. J'suis matrixé, j'te nique ta mère sans raison. Grosse embrouille, gros calibre, oh, grosse combinaison. Bienvenue dans la méta, toujours anti-état. Pour le refrain c'est Dita, pour la promo c'est Neta. La police veut nous péta, pour la bagarre j'ai mes gars. Pour ralentir les dégâts, j'ai prié à Mecca. ORG, je t'avais dit qu'ils nous aiment pas à eux. Ils nous craignent parce qu'ils le savent très bien qu'on n'est pas à eux. Et que Dieu m'éloigne de ceux qui parlent de moi. C'est pas grave, mais n'oublie pas que ta carrière elle part de moi. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal, gros c'était voulu. Les gens disent que t'as changé quand t'évolues. J'suis mal à l'aise quand j'suis dans le vip. J'suis comme dans le vide. Pour les pites, vaut mieux qu'on évite. J'veux pas qu'on m'invite. On paraît cool en vrai, nous on s'en bat les couilles. Nique ton marabouille. Si les gris gris n'arrêtent pas les douilles. J'suis musulman, j'réponds au salam. Alaikum, alaikum, salam. Maintenant tu peux tracer ta route. Ça fait 1 pour la mama, 2 pour la mama, 3 pour la mama, 4 pour la mala. Entre le halal et le haram, j'suis mitigé. Entre les parents et les profs, j'suis négligé. T'as fait le voyou dans le temps, on va te corriger. Respecter la daronne, c'est comme la prière, c'est obligé. La vie de ma mère, santé et bonheur. On a des sous, oui. On leur doit des comptes, non. On a grandi ensemble, oui. Mais est-ce qu'on est des potes, non. Je veux un 4-4, la dorée ou la black card. Je veux un 4-4, la dorée ou la black card. Dis-moi, tu étais où quand on dînait avec un 4-4. Quand on dînait avec les faux princes de Lidl. Petit gun, si tu nous casses les couilles, on met pas de middle. Ma gueule, j'ai tout niqué, mais en vrai c'était évident. J'ai fait le trou tout seul, moi je suis pas venu en vitant. J'ai les dents, les rappeurs de chez moi je les vends. Tu peux pas te comparer à nous, gros, tu poses même pas dans les dents. Je parle de braquage, de calache et de pétage. De kilo, gros mytho, t'as même pas fait du guettage. Je passe la douane avec le shit entre les couilles. J'ai fait des sous, vas-y dis-moi que t'as pas les boules. Je rappe comme la FF, Don Chua et Menzo. Tu voudrais que je meure alors qu'on a bu dans le même seau. Canto, m'a dit baisse le rap, fais leur des ish. On a pressé la détente, eux ils ont pressé des pchit pchit. Je suis rancunier mais je suis aussi reconnaissant. J'ai fait couler le sang à ceux qui m'ont hagar adolescent. J'étais petit moi à l'époque, j'avais la Heichmann. Aujourd'hui je fais des films avec Zilelouch et Reichmann. Je peux garder la pêche man, les traîtres on les tèche mal. Le manager c'est Deshman. J'écoute du Renault. Quand je veux écouter du vrai rap, gros j'écoute du relo. Fais-moi la passe mon ami, on rattrape pas le péno. J'écoute du Hesni, du Mami, du Khaled, du Bello. Marseille, c'est la guerre entre refrains. T'as trahi la Honda, on t'a tué, c'est bien fait. On a des sous, oui. On leur doit des comptes, non. On a grandi ensemble, oui. Mais est-ce qu'on est des potes, non.